Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais essayer de expliquer qu'est-ce que moi, le auteur de plusieurs nouvelles fantastiques, un petit peu scientifique fictionnel, sci-fi. Avec les noms de titres, les de titres, je sais pas, Ascendé, A S C E N D E, Ascendé. Ok, j'ai écrit cette nouvelle, ils sont 6, till today. Ils sont 6 nouvelles en écrit en langue anglaise parce que mon intention, c'est pour distribuer mon fantastique et fantasme, mon idée, mes idées, éventuellement ou possiblement sur tout le monde. Par exemple, quand mes idées, comment on peut changer la société, comment on peut faire un monde plus juste, comment on peut se organiser soi-même plus intelligemment, ces idées peut-être peuvent être lire avec un enfant à 10 ans, ou peut-être un garçon ou une jeune fille à 15 ans, qui est à ce moment, ou peut-être 2 ans ou 3 ans plus tard, dans une phase que le jeune personne veut décider. À quelle direction cette personne veut aller? Comment dire? Comme peut-être je veux être une bourgeoise personne, ou je veux être une personne libérée, une personne progressive, une personne conservative, comme ça. Ok. Deux jours avant, j'ai commencé d'écrire dans la langue Schweizerdeutsch, le suisse allemand. Ça veut dire le dialecte de. Ouais. Un dialecte. Je ne peux pas expliquer exactement qu'est-ce que c'est cette Schweizerdeutsch, mais je veux seulement continuer. Mais pourquoi je parle en français maintenant? C'est pour traîner moi-même, peut-être une fois dans le futur, ça peut être peut-être en 20 jours dans le futur, ou peut-être dans 2 ans, je veux peut-être écrire une nouvelle, une histoire en langue française. Et c'est pour ça que je fais cet exercice maintenant. Je suis marché dans le forêt vers la cité de Berne. où je me place beaucoup de temps. Je préfère le cité contre le village, parce que moi-même, je ne suis pas un propriétaire d'une maison. Et aussi, moi, je n'ai pas accès sur un jardin privé, comme ça, comme on peut dire. Mais ici exactement, je peux entrer dans le thématique. Le plus important thématique de mon fantastique parler et écrire et tout, le plus important, c'est, hop là, ça c'est la indigestion. Je ne suis pas mangé propre de ces jours. Non, non, mais égal. Je veux continuer à expliquer comment je pense mon fantasme, mes fantastiques idées peuvent avoir une influence sur mon cerveau. Moi-même, je veux. C'est la première chose, pourquoi je fais de l'art? Pourquoi je fais écrire? Pourquoi je parle avec moi-même? C'est seulement parce que je suis malade. Je suis malade de entendre les personnes me dire ces banalités, ces choses primitives, ces choses malades. Je suis malade de entendre les gens parler primitivement sur solutions qui ne sont pas les solutions. Ok, je vais retourner maintenant de traiter ce thème. Qu'est-ce que c'est dans le centre de mon art? Mon art, c'est ça. C'est un cercle autour le centre qui est le message être humain a pas le droit de prendre 40% de la terre occupée. Non, le être humain occupe too much, beaucoup plus. C'est pour ça que mon art veut advoquer pour les êtres humains réduire les flèches, la quantité de l'occupation avec l'agriculture et avec settlement, avec construire les bâtiments et comme ça. Et c'est pour ça, hein, je suis aussi positivement pour l'artificielle intelligence. Je suis vraiment positif pour la automatisation. Je suis vraiment positif pour les gens faire qu'est-ce qu'ils veulent Et la communauté lui donne une possibilité où il peut faire votre alimentation soi-même. C'est pour ça que j'ai calculé, moi, cet auteur, avec le nom Andreas Büchel, j'ai calculé quand on prend toute l'espace, tout l'espace agriculturel, ça veut dire tout l'espace dans cette Suisse qui est occupé avec l'agriculture, quand on prend tout cet l'espace et on divise cet espace sur 500 mètres double, quadratmètres, square meter, ça veut donner assez de place pour 20 millions de peuple. Ça veut dire 20 millions de personnes peuvent vivre dans l'espace suisse, faire un bâtiment soi-même avec la terre, avec du Fallholz, les choses qui sont de la terre. 20 millions individuels bâtiments et toutes les 20 millions peuvent faire un jardin végétable avec, avec des potates, des patates, avec des oignons, avec des carottes, tout, vegan. Oui, il n'y a pas de problème, hein. Il faut pas avoir une machine, il faut rien de machine pour ça. Non, il faut rien de pétrole, nothing. On n'a pas besoin de pétrole. On n'a pas besoin de. Peut-être on a besoin pour chauffer du bois. Oui, peut-être. Peut-être c'est pas assez, mais peut-être on peut planter le chanvre. Le chanvre, on peut aussi faire un feu avec les stocks, les halmes, hanfhalmen. Oui, par exemple. Mais finalement, je veux dire que c'est un exercice pour moi. Je dois ou je veux expliquer à moi-même encore, une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, en français, en schweizerdeutsch, en anglais. Je veux m'expliquer les différents passages, comment notre société peut changer vite. Il ne faut pas de violence pour ça. Non. Même c'était plus bien quand on voudrait abolir toutes les armes. Oui, c'était plus beaucoup joli quand on veut abolir toutes les armes, quand on ne veut pas utiliser la munition pour traîner comment on peut tuer une personne. Non, c'est malade. C'est vraiment malade, ce système. Oui. C'est pour ça, je veux dire merci pour entendre et encore une fois, dire le plus important de mon art, c'est le message, le être humain à cet moment et pas le maître de ce monde. Le être humain à ce moment n'a pas le droit d'occuper 40% de la terre. Non. C'était plus important pour nous, être humains, que nous récupérons that we get back onto 10%. C'est, ça veut dire, dans une autre sentence, c'est très important que l'être humain, la spécies humaine, occupe pas plus que 10% de la Terre. C'est vraiment important. Je ne suis pas parlé maintenant sur les gens indigènes, les gens qui vivent dans la forêt. Non, non, non. Lui, ils ont leur own destiny. Je suis parlé à mes frères et mes sœurs comme moi-même qui sont tombés à la trappe industrielle, qui vivent dans les bâtiments concrets, qui vivent marcher dans la rue, dans les rues asphaltiques, qui mangent les choses qu'est-ce que c'est processé dans les usines. Je l'ai dit, je nous dis, arrête d'occuper 40% de la terre. 10%, c'est assez. C'est le maximum, 10%. OK. Et les autres 40%, il faut retourner aux forêts. Il faut retourner à la vie sauvage. La vie sauvage, c'est plus important que la vie industrielle. Hein, ça c'est plus important. Hein? La sauvagesse, c'est plus important pour la terre. Et nous sommes visiteurs seulement dans cette terre. Il n'y a pas un arbre qui sait, oh, je suis la propriété, je suis le cerveau de Monsieur Oberholzer, ou qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux dire? Rien dans la nature, rien dans la terre a écrit sur soi-même que ça veut être une propriété, une possession. L'idée que l'être humain peut posséder quelque chose, c'est vraiment malade. C'est très dangereux. Et oui, je souhaite que nous voulons abandonner cette idée totalement. Aussi, l'idée du loi, c'est vraiment malade. Seulement les gens qui sont dishonnêtes ont besoin du loi. Une personne qui est honnête, n'a pas besoin de loi. Une personne qui est honnête veut partager tout. La personne peut partager. Et la personne qui est honnête et bien veut essayer de comprendre. Veut essayer de comprendre pourquoi cette personne m'attaque. Pourquoi cette personne veut avoir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que je possède. Parce que c'est pas possible de posséder quelque chose. Oui, so. Moi, l'auteur et le parlateur, parlateur peut-être on peut dire, hein, de cette chose, moi, je suis advocat, je suis un petit, hein, très petit, hein, je veux faire des choses, je mets dans l'internet et il y a peut-être 5 personnes, peut-être, hein, qui peut lire ces choses ou pour entendre qu'est-ce que je veux dire. C'est pour ça, c'est pas important. Pour moi, c'est pas très important combien de gens peuvent profiter sur mon art. C'est plus important pour moi que je peux examiner moi-même, je peux traîner moi-même, que expliquer encore une fois et encore une fois, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux distribuer et qu'est-ce que je veux partager sur mon idée? Ok. So, la loi n'est pas une bonne chose. Parce que la loi bloque le moment. La loi qui dit que cette personne peut posséder cette place, il bloque le discours et l'échange libre entre les êtres humains et entre les animaux et oui, que tout ça, hein. C'est pour ça que je souhaite pour une société future qui est sans loi, où les gens sont en accord entre soi-même et on utilise seulement un petit de la vie, plantes et animaux. Seulement un petit. Dans la future, sans loi, without a law, on exists. Sans cette future, dans cette future, l'être humain veut essayer de évoluer. Ok, merci. C'est assez pour le moment.